Christine, tu es là, toujours avec nous. Oui. Lex à Gérard. On t'entend pas très bien, mais tu m'as dit hors antenne, c'est peut-être parce que t'as un petit portable. Oui, c'est vrai. C'est vrai, faudra penser à le changer, à prendre un grand portable, hein, d'accord? Mais on t'entend pas très bien, Christine, hein? Ah, tu m'entends, là? Non, mais bien devant ton micro. Mais non, mais c'est pas possible, t'as le portable le plus pourri de la planète. Bah, je sais pas, j'ai du mal. Non, mais est-ce que tu peux voir? Je vais m'enlever le petit, attends. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'enlever quoi? Le petit. Le petit quoi? Tu m'entends mieux, là? Ah, allô? Tu m'entends? Ouais, non, mais t'as un... Parle bien devant ton combiné. Bah, je parle bien sous mon combiné. Oui, d'accord, mais devant. Bah oui, oh, c'est une catastrophe, on a l'impression qu'elle est à 1000 km, quoi. C'est hallucinant. Bon, bah, tant pis, on va faire avec. Alors Christine, tu veux faire des canulars? Oui. Et les canulars consistent en quoi? À faire cocu aux femmes. Très bien. Donc nous allons appeler maintenant, puisque tu as tenu Manu au courant, aux antennes et Anka, nous allons donc appeler des numéros de téléphone où normalement il devrait y avoir des femmes de l'autre côté, et donc tu vas leur faire croire que tu sors avec leur mari, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, ok, mais tu parles bien fort pour qu'elles t'entendent bien, la demoiselle, hein? Bah oui. Alors, on y va, on appelle, on va du côté de Lyon, hein, d'accord, Christine? Oui. Alors, c'est parti, Christine va nous faire rire. La bonne blague, on est mort de rire d'avance. Et par contre, Christine, elle, je l'encule pas, hein. Non. Oui, allô? Allô? Allô? Il est là, mon chéri? Ah, je crois que vous faites une erreur, madame. Ben non, j'ai mon chéri qui habite chez vous, là. Pardon? J'aime votre mari. Mais qui vous demandez? Bah, c'est Christine. C'est Christine qui, Christine? Christine? Oui. Vous voulez parler à qui? Attends, moi, je suis juste avec mon mari, là, ce soir. Il n'est pas là? Mais je pense pas que ce soit... Je pense pas qu'on vous connaisse, madame. Je crois que vous faites un faux numéro. Je suis sa maîtresse. Vous êtes la maîtresse de qui? De votre mari. Qui au téléphone? C'est Christine. Tu connais une Christine? Non. Vous connaissez pas de Christine, hein? Bah, c'est bizarre, moi je connais votre mari, moi. Mais vous le connaîtriez d'où, mon mari? À Lyon, à la gare de... Vers la gare, je l'ai vu. Vous l'avez vu où, vers la gare? La gare de Lyon. Oui, bah, il était en déplacement, il y a quelques jours, effectivement, mais il m'a pas parlé de vous, hein. Bah, j'ai fait du stop, et puis il m'a pris. Vous avez fait du stop, il vous a pris en stop? Oui. À côté de la gare? Oui. Et c'était quand? Oh, il était beau, hein. Oui, bah oui, je sais bien, oui, c'est mon mari. Donc je sais qu'il est beau, mais c'est pas la question, madame. Et vous voulez lui dire quoi, mon mari? Parce que je peux peut-être transmettre le message. J'ai un rendez-vous, je devais voir le revoir. Bah, il vous a pris en stop, mais ça s'arrête là, il est marié avec moi. Je m'en fous, moi, il venait me donner un rendez-vous, alors il a oublié de me téléphoner. Comment vous avez eu ce numéro? Passe-moi. C'est lui qui me l'a donné. Bon, ne quittez pas, je vais vous le passer. Allô? Allô, vous êtes qui? Allô, c'est qui? Je suis le mari de la personne en question. C'est qui à l'appareil? C'est Christine. Ah ben, je connais pas de Christine, moi. Ça va, mon chéri? Ah, je te connais pas, toi. Arrête de mentir. Non, mais attends, vous appelez chez nous, comme ça, vous avez dû vous tromper de numéro, vous prenez pour qui? Hein? Je te connais, faut pas mentir à ta femme. Non, mais attends, je vous connais absolument pas, Christine, d'où ça? Je te connais, arrête. Bah attends, mais vous êtes complètement folle, vous. Non, hein? Je suis pas folle. Quoi? Vous êtes bien content de me draguer, puis après vous me draguez. Bon allez, va te faire enculer, espèce de grosse truie, va. Et toi, tu veux pas te voir? Eh ben dis donc, ma chérie, quel programme! On n'a même pas entendu raccrocher tellement que c'était bien foutu, hein, ça va vite. Aïe, aïe, aïe, c'est que des professionnels, hein. Bah dis donc, Christine. T'as pas notre numéro de téléphone, on peut te joindre pour entendre mieux le son de ta voix, parce que t'as une putain de voix, toi. Non, je n'ai pas d'autre. Oh, quel dommage, que t'as une voix extraordinaire, hein. Tu sais que t'as une voix qui passerait super bien à la radio, hein. Bah ouais. Ah ouais, ouais, si t'avais toutes tes dents... Je viendrai le 31 octobre, je peux venir à la radio. Tu veux venir le 31 pour quoi faire? Bah pour faire des questions. Ah bah ouais, d'accord, mais t'as pas notre numéro, on peut te joindre là, t'as pas notre portable? Non, je n'ai qu'un pour ta... Oh, quel dommage. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre, Christine? Alors, on fait un autre canular ou pas? On arrête pour ce soir, on s'est bien éclaté. C'est tellement énorme. C'était énorme. Il faut pas abuser. C'est vrai qu'on s'est bien éclaté, sans déconner. Hein. Je donnerai le numéro de téléphone du téléphone en bas la prochaine fois. Bah ouais, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, exactement, voilà. Ouais, je téléphonerai demain, je vous laisserai. Ah ouais, parce que là, quand les auditeurs vont pouvoir profiter réellement du talent que t'as et de ta voix, mais ils vont être comme des fous, hein. Ouais, faut me le dire, parce que je suis pas toujours bas, faut me bah le oui, dire. Bah oui, je sais bien. Bah oui, je sais bien. Il faut te prévenir bien à l'avance. Bah oui, je sais bien. Bah t'inquiète pas, ma chérie. Vous m'appelez sur mon portable et vous me disiez faut que je descende bas. Putain, mais t'es pas conne, toi. Vous me disiez. C'est que tu réfléchis dans ta tête, hein. Bah oui. Oh là là, si tout le monde avait un cerveau comme toi, mais on s'éclaterait comme des bêtes, ça se passerait autrement. Bah oui. Moi, je te le dis, la libre antenne, hein. Bah ouais. Bon, ma chérie, tu embrasses ton copain, comment il s'appelle déjà? Alain. Alain, il est derrière, là? Oui, il est là. Salut, Alain. Il est là, Alain. Salut, ça... Max. Comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Oh, la forme. Bon, très bien. Tu restes toujours avec Christine? Toujours. Plus que jamais? Plus que jamais, toujours. Ok, très bien.